One Qibla présente Comprendre le Coran. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ba'd, frères et sœurs en islam, on continue avec le tafsir de Sourate An-Najm et à présent avec la ayah numéro 25 dans laquelle Allah Azza wa Jal il dit فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى. À Allah Azza wa Jal appartiennent les deux mondes. Le dernier monde, Al-Akhirah, ainsi que le premier monde. Ça veut dire la vie de Ad-Dunya. Et ça, ça vient juste après la ayah dans laquelle Allah Azza wa Jal il nous explique que l'être humain n'aura pas toujours ce qu'il souhaite. أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى أي فَلَهُ وَحْدَهُ مُلْكُ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى وَلَهُ وَحْدَهُ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ فِيهِمَا فَيُعْطِي مَنْ يَشَاءُ وَيَمْنَعُ مَنْ يَشَاءُ فَالْأَمْرُ كَمَا يُرِيدُ الرَّحْمَنُ لَا كَمَا يُرِيدُ الْإِنسَانُ. Ça dit ici que à Allah Azza wa Jal appartiennent les demandes et c'est lui qui gère les demandes et lui seul subhanahu wa ta'ala. فَلِلَّهِ ici on appelle ça ici تَقْدِيمُ. Ce taqdim ici يَقْتَضِي الْحَصْرُ شُكْرًا جَزَاكَ اللَّهُ لِلَّهِ à Allah appartiennent al-akhirah ainsi que al-oula. À Allah, ça veut dire à Allah Azza wa Jal seulement et exclusivement. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à ce qu'il veut. Il enlève à ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Donc comme ils disent ici, les choses se déroulent comme le veut ar-Rahman, Allah, pas comme le veut al-insan, l'être humain. C'est Allah Azza wa Jal qui décide. Dans sourate Al-Imran, Allah Azza wa Jal, il dit: قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. دي الله سبحانه وتعالى اللهم يا الله c'est toi مالك الملك. C'est Allah qui possède le mulk, la possession. C'est Allah عز وجل qui possède, qui peut posséder. Et de ce fait, il donne al-mulk, la possession, la force et la puissance à qui il veut, subhanahu wa ta'ala, et il l'enlève de qui il veut. Allah ta'ala yu'izzu, il honore, il élève ce qu'il veut, et il rabaisse ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Tout est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans surat al-layl, aussi surat la nuit, il y a une ayah comparable. Allah Azza wa Jal, il dit « وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى » À nous, à Allah Azza wa Jal, le « nous » ici, c'est les tafkhim, c'est le pluriel, c'est pas pour plusieurs, c'est pour la grandeur. Comment on dit en français « vous » quand tu t'adresses à quelqu'un de façon respectueuse. « Votre éminence », les gens, quand ils parlent à quelqu'un de dignitaire. أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى. Donc ça, on l'a déjà mentionné. وَأَيْضًا هَذَا رَدُّهُمْ رَدٌ لِقَوْلِهِمْ إِنَّ لِلَّهِ الْبَنَاتِ وَلَهُمْ الْبَنِينَ. Comme on a dit. طيب, ici la question, pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il a mentionné l'akhira avant l'oula? Parce que c'est quoi l'akhira et l'oula? C'est quoi? Que veut dire l'akhira et l'oula? La vie après la mort, ça c'est le sens. Mais les mots en tant que tels, ça signifie quoi? Ça réfère à quoi? Oui. La dernière, la première. Al-akhira, c'est la dernière. Quand on dit tu es l'akhir, tu es le dernier. Al-akhiratu, la dernière. Al-oula, la première. Il y a les deux vies. La dernière vie et la première. Allah Ta'ala n'a pas dit à Allah appartient la première et la dernière. Allah Ta'ala dit à Allah appartient la dernière et la première. Pourquoi l'akhira? للاهتمام بها والتنبيه الى انها التي يجب ان يكون اعتناء المؤمنين بها. De un, c'est pour rappeler l'importance de l'akhira et que les croyants doivent principalement se soucier de l'akhira. C'est ça la vraie vie. C'est la vie éternelle, la vie de l'au-delà, plus importante que la oula. Et aussi il dit لان ملك الله عز وجل في الاخره يظهر اكثر مما في الدنيا. Aussi car le mulk, la royauté, la puissance, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la akhira s'illustre de façon plus grande et plus évidente que dans la Dunya. Pourquoi? Parce que fi dunya fiha mulukun wa fiha ru'asa wa fiha zu'ama. Car dans la dunya, il y a des rois, et il y a des gouverneurs et il y a des puissants. Yara al-'ammatu anna lahum tadbiran. Que les gens, la masse, les gens simples pensent que ces gens-là, ils ont grand niveau de gestion, de contrôle des choses, alors que ce n'est pas bien sûr le cas. Alors que dans l'akhira, la yujadu shay'un min hadha. Dans l'au-delà, il n'y a rien de tout ça. Yawmahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum shay'. Liman al-mulku al-yawm? Lillahi al-wahid al-qahhar. À qui appartient al-mulk aujourd'hui? Ça veut dire le jour du jugement dernier. Seulement Allah subhanahu wa ta'ala. De fait, vu que la ayah, elle parle du mulk d'Allah, à Allah appartient le mulk de la dernière et de la première. Ce mulk-là, il est plus évident pour tout le monde dans al-akhirah. C'est clair? C'est pour ça que Allah azza wa jal, il l'a cité. Et aussi parce que Allah Azza wa Jal, وهذه الأصنام ليس لها شيء من الأمر فكيف يجوز الإشراك. Sachant que vous ne pouvez pas prétendre que ces divinités, ces pierres, ces idoles possèdent quelque chose de la dunya ou de la akhira, qu'est-ce qui justifie votre shirk que vous associez avec Allah Azza wa Jal d'autres partenaires. طيب, passons à la ayah après maintenant. La ayah numéro 26 dans laquelle Allah Azza wa Jal il nous dit وكم من ملك لا تغني شفاء أو كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Donc Allah سبحانه وتعالى il nous parle كم من ملك. Faisons attention ici. Il y a ملك et il y a ملك. Différence entre ملك et ملك. ملك c'est le roi. ملك c'est un ange. Malaika, pluriel, un seul, malakun, un ange. Donc, encore une fois, on voit que même dans Surat An-Najm, comme on a dit, ce miracle de Al-Qur'an, même les mots qu'on trouve dans Surat An-Najm, c'est quoi? C'est malak, malak, mulku. Allah, il est le malik, il a le mulk. Et ça parle aussi de Al-Malak, qui sont les anges. Donc ici, Allah Azza wa Jal, il dit « وَكَمْ مِمْ مَلَكٍ » Oh, combien y a-t-il de malak, des anges, dans les cieux, « فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ » Ça parle de leur intercession. Comme on a dit, l'intercession avant, on le répète, c'est le fait d'intervenir au profit de quelqu'un. Ça peut être dans la vie du mamande, on va intervenir au profit de quelqu'un, à l'avantage de quelqu'un. Dans certains pays, on va intervenir auprès de cette personne. Désolé, on va intervenir auprès des autorités pour le profit de cette personne. Il a commis un délit. Les gens vont voir quelqu'un de la famille ou autre chose, qu'il y a des liens quelque part avec un militaire ou avec un commandant de police ou autre chose pour qu'elle soit pardonnée, cette personne. On appelle ça quoi? Une chafa'a. Shafa'a auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est pour les biens qui sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que Allah ta'ala, il pardonne les péchés de tel, pour que tel entre au paradis, pour que tel sorte de l'enfer. Ça, c'est une shafa'a. Alors, cette shafa'a, il y a deux extrêmes. Il y a certaines sectes, comme les Mu'tazila, qui ont rejeté la shafa'a. Ils disent, il n'y a pas du tout de shafa'a auprès d'Allah Azza wa Jal. En d'autres termes, ce que tu fais, tu vas payer. Oui. C'est qui les Mu'tazila? Mu'tazila, ils font partie d'un groupe de sectes qu'on appelle les Wa'idiyya. Les Wa'idiyya, ça veut dire ceux qui mettent de l'emphase plus sur la menace de punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vient de Al-Wa'id. Wa'id, c'est gare à toi, une menace. Ce qui est le contraire de al-wa'd. Wa'd, c'est la promesse. Promettre le bien. Wa'id, c'est l'avertissement, la menace. Donc, on a des sectes qui font partie, en général, ce n'est pas les mêmes sectes, mais qui ont la même tendance. de mettre de l'emphase sur la menace, l'avertissement de punition, que ça va mal aller pour tel et tel et tel type de personne. Et ça, c'est plus spécifiquement les Khawarij, les Kharijites, certainement très connus de nos jours, parce qu'il y en a qui ne parlent que des Khawarij nuit et jour. Mais il y a aussi les Mu'tazila. Les Mu'tazila, ils sont un peu comme les Khawarij dans cette question-là de la menace. Dans le sens où les Khawarij, en gros, on simplifie bien sûr les choses, comme on a dit avant ça. Dans les sectes, en général, même à l'intérieur d'une même secte, il y a plusieurs sous-sectes. C'est pas tout le monde dans une même secte qui a exactement les mêmes croyances. Mais l'idée générale, c'est que les Khawarij, si tu commets un péché, surtout les péchés majeurs, condamné, t'es kafir, out de l'islam. Tu vas mourir, tu vas aller en enfer pour toujours. Tu as volé une voiture, t'es kafir, en enfer pour toujours. Ça, c'est les Khawarij. Les Mu'tazila disent non, non, t'as volé une voiture, c'est haram, très grave, tu n'es pas kafir. Alors je suis quoi? Et tu n'es pas musulman aussi. Ils ont inventé manzila bayn al-manzilatay. C'est comme l'ascenseur bloqué entre deux étages. C'est exactement ça. Manzila bayn al-manzilatay. C'est un niveau entre deux niveaux. C'est clair? Mais al-Mu'tazila, ils disent tu n'es pas kafir. Mais si tu vas aller plus en détail avec Mu'tazila, quel est alors son sort dans l'au-delà? Tout comme les Khawarij. Tu es en enfer pour l'éternité. Malgré que tu es manzila bayn al-manzilatay. Donc ça, c'est un peu le domaine qui est une nature pareille. Après ça, bien sûr, Mu'tazila, il se distingue par le fait que Mu'tazila, c'est une secte qui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance à la raison, à l'aql. Donc, ils vont rejeter beaucoup de choses par leur raison. Et ça, c'est pas logique. On n'accepte pas ça. Ça, c'est dans le hadith, mais on n'accepte pas ça. Ça, c'est dans le Coran, mais c'est pas ça le sens. Parce que la tête ici, elle n'accepte pas ça. La logique, elle n'accepte pas ça. Donc, ça, c'est pour simplifier les choses. Donc, on a dit les Mu'tazila, entre autres, ils rejettent la shafa'a. Pourquoi rejettent-ils la shafa'a? Ça va pas avec leur logique. Ça va pas avec leur raisonnement. Il se peut, oui, peut-être qu'ils ont aussi quelque chose relié au raisonnement, mais c'est surtout, comme on a dit, c'est surtout l'aspect de al-wa'id, de la menace. Tu as commis des péchés. Ça n'existe pas, ça, des prophètes qui vont intercéder pour toi, yawm al-qiyama, ou des anges. T'es cuit, t'es fini. T'as pas d'espoir. Donc ça, c'est ceux qui ont rejeté l'existence de Shafa'a. Les textes de la présence d'une Shafa'a le jour du jugement dernier, ils sont indiscutables. Des hadiths hautement authentiques, sont dans Muslim, Bukhari et tout, qui va faire la Shafa'a auprès d'Allah Azza wa Jal. Les prophètes, les anges, les malaïka alayhi salam, les gens pieux, plus spécifiquement les martyrs, shuhada. Dans certaines narrations, ça parle de celui qui a hafid du Qur'an, celui qui a appris le Qur'an, qui était pas... Donc, il y a des gens qui vont faire shafa'a. Là, entre l'autre extrême, comme on l'a dit avant, les soufis ou autre chose qui pourraient tout simplement... L'esprit tranquille, je me fie à la shafa'a de tel ou de tel. On est la umma de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. T'inquiète pas. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va nous prendre tous au paradis. Ça, c'est l'autre extrême. C'est la shafa'a sans condition. La shafa'a garantie. Et il y a aussi les mushrikines qui font la shafa'a à travers leur shuraka. Les anges, on va les prier. Parce que regardez, quelqu'un pourrait assumer que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa shafa'a, elle est garantie. On va dire, nous, on est musulmans, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va nous faire shafa'a yawm al-qiyama. Mais ce n'est pas du shirk, c'est une erreur. Il ne sait pas que la shafa'a, elle a des conditions. Parce que lui, il pense tout simplement que c'est Allah Ta'ala qui a promis que tous les musulmans, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il va leur faire shafa'a. C'est un manque d'information. Mais les mushrikins, c'est autre chose. Ils vont prier les anges pour leur demander, fais-moi la shafa'a. Donc, si quelqu'un maintenant il va prier le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire Ya Rasulallah, comme ça, Ya Rasulallah, fais-moi entrer au paradis, fais-moi intercession auprès d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est quoi? Ça c'est shirk, billah Azza wa Jal, c'est prier autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on peut faire, c'est demander à Allah ta'ala de nous accorder la shafa'a du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ces mouchriquins là, encore une fois, c'est la pierre qui intercède auprès. C'est mon grand-père qui était très pieux qui va intercéder pour moi. Il les priait, il mettait tout leur cœur dans ces créatures-là. Allah Azza wa Jal, il leur dit « Kam min malakin fis samawat, combien y a-t-il d'anges dans les cieux ?»« La tanfa'u shafa'atuhum » Que leur intercession n'est nullement bénéfique. Elle ne sert à rien. « La tanfa'u shafa'atuhum » Elle n'aide en rien une personne. « Illa min ba'di ayya'dhana Allah liman yasha' wa yarda » Excepté après que Allah Azza wa Jal, il permet à qui il veut et qu'il est satisfait. Que Allah Azza wa Jal est satisfait. Ça veut dire satisfait de telle personne et satisfait de la shafa'a. On va aller avec les détails, Inch'Allah Azza wa Jal. Donc c'est quoi ici, encore une fois le siyaq, c'est quoi le contexte de cette aya? يقول الله تعالى منكرا على من عبد الملائكة وغيرهم وزعم أنها تشفع له عند الله يوم القيامة ومبينا أن الملائكة مع سمو منزلتهم ورفعة مقامهم لا يملكون الشفاعة لأحد إلا بإذن الله. الله تعالى rappelle à ces mouchriquins que même les anges qui sont dans les cieux, ils sont très honorables auprès d'Allah Azza wa Jalla, très très haut. Et malgré ça, leur shafa'a, de façon indépendante, elle ne sert à rien en fait. Ils ne font pas, elle n'est pas bénéfique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui a une shafa'a indépendante. La shafa'a, même la shafa'a valide, elle dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma akthar al malaika. Ici le mot wa ma. Regardez comment ça commence ici. Wa ma. وكم من ملك وكم من ملك في السماوات لا تغني كم من ملك كم combien او combien ça veut dire ici les takfir ma akthar ya combien de malaika des malaika d'Allah azza wa jall ça dépasse de loin le nombre d'êtres humains de ce fait c'est plus que des milliards c'est un chiffre que nous on connaît pas ça dépasse notre imagination et de tous ces anges qui sont auprès d'Allah azza wa jall leur shafa'a n'est pas une shafa'a indépendante. Alors qui, par la suite, peut prétendre que quelque chose sur cette terre a le droit de faire ici la shafa'a? Illa min ba'di ayya'dan Allahu. Comme Allah Azza wa Jalla dit, bien sûr, qui nous donne une ayah, la ayah la plus connue sur la shafa'a, c'est quoi? Kursi. Non, ayat al-Kursi, n'est-ce pas? Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi. Qui est celui qui peut faire la shafa'a auprès d'Allah Azza wa Jal, excepté par la permission accordée par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans surat Saba, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Que la shafa'a auprès d'Allah ta'ala n'est bénéfique que pour celui à qui il a donné le droit de faire l'intercession. Ça veut dire en d'autres termes, personne n'a le droit, personne n'ose et ne peut initier la shafa'a auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne le droit avant ça, qui donne l'autorisation à quelqu'un déjà d'initier la demande de shafa'a. Dans la dunya, tu peux initier la shafa'a, comme on a dit. Tu connais quelqu'un qui peut être bénéfique à ton meilleur ami, comme ils font au bled, va cogner la porte du commissaire de police, c'est son voisin. Salam alaikum. Je suis ici pour faire shafa'a. Donc c'est lui qui initie. Auprès d'Allah Azza wa Jal, nul ne peut initier. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne déjà le droit d'initier la shafa'a. Min ba'di ayya'dhan Allah liman yasha' subhanahu wa ta'ala. Lamma ay'asahum min an yanalu khayran min ibadati asnamihim wa annaha la takun wasilatan lahum 'inda rabbihim haramahum fa'idata 'ibadatiha min wajhin akhar. طيب pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jalla dit la tanfa'u shafa'atuhum? Allah Ta'ala, il dit quoi à propos des anges? On a dit les anges et malaïka, c'est au pluriel, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de malaïka. Mais Allah Ta'ala, il n'a pas dit « La tanfa'u shafa'atuhum ». Shafa'atuhum. Leur, au pluriel, intercession au singulier. Pas leurs intercessions au pluriel. C'est leur, une seule intercession. Il dit « Ufridat li anna, wa li annahum law shafa'a jami'uhum li wahidin, lam tourni shafa'atuhum ». Parce que même si tous les malaïka, tous, s'associent pour faire la shafa'a pour une personne, ça ne va pas. Même cette une seule shafa'a ne va pas fonctionner de façon indépendante. Illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda. Donc là, ça contient les deux conditions de shafa'a. Shartayn li shafa'a. Première chose, al-idhnu min Allah ta'ala. L'autorisation accordée par Allah subhanahu wa ta'ala. On a déjà parlé de ça. Numéro 2, ridahu ani shafi'i wal mashfu'. Que Allah azza wa jalla il soit satisfait de celui qui intercède et de celui au profit de qui en intercède. Que Allah azza wa jalla soit satisfait des deux. Wa la yashfa'una illa liman irtada, comme dans sourate Al-Anbiya alayhim as-salam. Donc là, encore une fois, regardez, on va écrire les deux conditions. C'est quoi la première condition? On nous rappelle ça, il faut les connaître, les conditions de la shafa'a. Quelle était la première? Qu'Allah Ta'ala accorde le droit, qu'il permet la permission d'Allah Azza wa Jalla. Et la deuxième condition, c'était وَيَرْضَى, que Allah Azza wa Jal soit satisfait des deux, de الشَّافِعِ et de الْمَشْفُوعِ, de celui qui intercède et du bénéficiaire de cette شَافِعَ. Maintenant, il dit « excepté ». Il y a une seule exception à cette deuxième condition. Cette exception, c'est une exception à la règle qui est « ثَابِتَةٌ بِالنَّصِ » par le texte clair. إلا في التخفيف عن أبي طالب كما جاء في الحديث. أبو طالب, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on le connaît tous, Abu Talib, c'est un personnage clé de la sira. Lui, il a défendu beaucoup le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a défendu même l'islam. Il a contribué à la défense de l'islam, à l'expansion de l'islam fi Mecca. Mais il l'a pas fait pour Allah azza wa jalla. Il l'a fait par amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que neveu, Rahim. Et aussi en plus de ça, il n'a pas voulu accepter l'islam à sa mort. Il est mort sur quoi? Al-shirk. Allah azza wa jalla, il a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam exceptionnellement le droit de faire la shafa'a pour son oncle Abu Talib, mais pas pour qu'il entre le Jannah. Seulement pour que Allah azza wa jalla allège sa punition. Et de ce fait, Abu Talib, comme dans les hadiths, il est ahwanu ahlinari adhaban. La personne la moins qui subit la moindre punition de l'enfer, c'est Abu Talib. C'est l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas la shafa'a pour qu'il entre dans le nar vers le Jannah. Il est mort sur le kufr, sur le shirk. Il va jamais entrer le Jannah. Mais parmi tous les kuffars, celui qui est le moins puni, c'est qui c'est? Abu Talib, خفف عنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc lui, il est comme une exception à cette règle qui est que Allah Azza wa Jalla soit, Allah Ta'ala n'est pas satisfait de lui, c'est un mushrik. Parce que Allah Azza wa Jalla aime son prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, il lui a accordé en quelque sorte cette exception. أما المشركون فلا نصيب لهم من شفاعة الشافعين وقد سدوا على أنفسهم rahmata arhamir rahimin. Les mushrikins, ceux qui meurent sur le shirk, sur le kufr, n'ont droit à aucune intercession. Fini, la porte est fermée. Oui, Akhi. Je suis un peu confus par rapport à cette deuxième condition. Oui. Si cette condition est que Allah soit satisfait de celui qui fait l'intercession et de celui qui bénéficie de l'intercession, à quoi bon de faire une intercession pour cette deuxième personne? Parce que Allah Azza wa Jal est. Il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de certaines personnes, mais que ces personnes-là soient quand même punies pour des pour des péchés. Quand on dit à sahaba, les compagnons, est-ce qu'on dit radiyallahu anhum, qu'Allah soit satisfait de eux? Oui, Allah il dit lui-même radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah il est satisfait de eux et eux ils sont satisfaits d'Allah azza wa jalla. Sahaba radiyallahu anhum. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit que tous les sahaba et personne qui sera puni dans l'akhirah? Non. S'il y a des sahaba qui seront punis pour certaines actions, pour certains péchés, ils le seront punis. C'est clair? La satisfaction d'Allah n'est pas l'exemple pas de toute punition. Oui, parce que, encore une fois, Allah Azza wa Jal est satisfait de certaines personnes, dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala aime ces personnes, c'est des croyants, et ils vont finir au paradis pour l'éternité, mais ça ne renie pas le fait qu'ils ont des péchés pour lesquels ils vont devoir payer avant d'être purifiés. Ils méritent la punition d'Allah Azza wa Jalla. Mais là, encore une fois, remarquez que ça ne veut pas dire qu'ils seront punis pour tous ces péchés, parce que entre autres, parmi les choses qui évitent la punition de la personne, c'est quoi? C'est l'intercession. Comme ça dit dans le hadith, ça nous mentionne du shahid, le martyr, qui va intercéder pour un grand nombre de ses proches. Donc le shahid yawm al-qiyama, shahid fi sabilillahi azza wa jal, on donne une situation théorique, juste pour illustrer. Allah ta'ala a'lam yawm al-qiyama, nous on ne connaît pas les détails des situations de yawm al-qiyama. Quelqu'un va venir yawm al-qiyama, shahid fi sabilillah, Allah azza wa jal est satisfait de lui. Il est une très bonne personne et en plus de ça, il est mort comme shahid fi sabilillah azza wa jal. Il va trouver que son fils ou son frère, qui était aussi un croyant, et que Allah Ta'ala, il est satisfait de lui en tant que croyant, en tant que mu'min, ça ne veut pas dire satisfait de chacune de ses actions, mais il va trouver que son frère ou son fils est en enfer fi jahannam. Et qu'il mérite une longue punition pour un péché grave qu'il a fait. Ce shahid, Allah Ta'ala va donner la porte, l'accès maintenant, la permission aux shuhada de faire leur shafa'a. Et ce shahid va dire, « Ya Allah, il y a mon frère qui est en enfer. Ya Allah, épargne-lui cette punition. » Il va sortir de l'enfer, il n'a pas encore payé, comme on dit, toute sa peine. Mais Allah Azza wa Jal va le sauver par la shafa'a de son frère ou de son proche qui était shahid fi sabilillah Azza wa Jal. Est-ce que c'est clair? Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de quelqu'un, ça ne veut pas dire que Allah Azza wa Jal est satisfait de toutes les actions d'une personne. Parce que ça voudrait dire que Allah Ta'ala n'est satisfait que de ceux qui sont infaillibles, qui sont les prophètes alayhi salatu wa salam. Quelqu'un pourrait être une bonne personne, et Allah Azza wa Jal, il est satisfait de lui, mais il fait des choses que certaines choses parfois que Allah Azza wa Jal n'est pas satisfait de ses actions. Est-ce que c'est clair? Non, la rahma d'Allah Azza wa Jal est encore plus grande que la shafa'a. C'est pour ça que aussi dans les hadiths de la shafa'a, ça nous dit qu'il restera à la fin la shafa'a de Arham al-Rahimid. La fin, comme ça, yawm al-qiyama. La dernière shafa'a, ce sera la shafa'a d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens, il ne reste rien, ni la shafa'a, il y a rien qui les a sauvés. Ni la shafa'a d'un prophète, ni rien. C'est Allah Azza wa Jal qui va leur accorder sa propre shafa'a, qui va les sauver par sa propre miséricorde. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal, elle dépasse tout. Même si la shafa'a, oui, le droit à la shafa'a, ça illustre une partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Oui, Akhi. Je pensais que le prophète a le droit à la shafa'a pour sa umma, mais est-ce que les autres prophètes aussi du travail? Oui, tous les prophètes, shafa'a al-nabiyoun, comme dans le hadith, tous les prophètes vont avoir droit à la shafa'a. Prophète, bien, la prophète pour sa umma, elle est plus grande, alayhi salatu wa salam. Les détails, on ne les connaît pas nécessairement. Et aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, va faire la shafa'a pour commencer le hisab, le jour du jugement dernier. C'est lui qui va faire la shafa'a auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour que Allah, azza wa jal, commence le jugement. On connaît le hadith dans lequel les gens, ils vont attendre, les êtres humains vont longuement attendre, yawma al-qiyama. Et juste ça sera une souffrance ils vont dire, si Allah Azza wa Jalla commence le hisab, comme ça on va savoir où est notre sort, et c'est fini. Et ils vont aller demander à Adam alayhi as-salam. Ils vont dire, toi tu es Abu al-Bashar, tu es le premier que Allah Ta'ala t'a créé par ses mains, subhanahu wa ta'ala, et fais-nous la shafa'a auprès d'Allah pour que Allah Azza wa Jalla commence le jugement. Et il va se rappeler de sa khati'a, de son péché, il va dire, nafsi, nafsi, c'est moi-même, moi-même. Les gens vont aller vers prochain prophète, après ça vers Ibrahim, Isa alayhi salam, après ça le vont finalement aller vers prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui va faire shafa'a auprès d'Allah Azza wa Jalla pour que Allah Ta'ala il commence le jugement, l'hisab. Non. Encore une fois, ça c'est les grands principes que Allah nous a donné dans le Coran et dans la Sunna. Les détails, on ne sait pas. Ça c'est la vie de Al-Ghaib. On ne peut pas aller dans trop de détails. Ça c'est le monde de l'au-delà. On ne sait pas, on n'a pas vu l'akhirah. Oui, akhi. Je comprends bien pourquoi un être humain voudrait faire l'intercession pour un autre être humain parce que soit il fait partie de sa umma, de sa famille, etc. Mais pourquoi est-ce qu'un ange ferait l'intercession pour un être humain? Pourquoi est-ce qu'un ange ferait l'intercession pour les êtres humains? Parce que de un, les anges, ils aiment les croyants. Allah Ta'ala, il dit que même الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يَسْتَغْفِرُونَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Même les anges, parmi les plus nobles, ceux qui sont les porteurs du trône d'Allah Azza wa Jal, en permanence, ils font le tasbih d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et ils font le istighfar pour les croyants, de un. Donc, de A, en général, les malaïka, alayhimus salam, ils aiment les croyants, ils aiment ahlul iman, les mu'minines. De deux, Allahu a'lam, peut-être que c'est parce que aussi il y a des malaïka, alayhimus salam, qui ont été témoins dans cette vie du bas monde d'un croyant qui a fait quoi? Une très bonne œuvre. Et ils vont être des témoins, yawm al-qiyama, ils ont aimé ce croyant en particulier pour telle œuvre qu'il a fait pour autre chose. Et ils vont faire shafa'a auprès d'Allah Azza wa Jalla. C'est bon? Wa shafa'a al-mu'minun, même la masse des mu'minins, des croyants vont faire shafa'a yawma al-qiyama. Tu peux revenir à Sahih Muslim, cherche le premier chapitre sur l'iman. À la fin de ce chapitre sur la foi, sur l'iman, tu vas trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ahadith sur la shafa'a, sur les détails de la shafa'a yawma al-qiyama. C'est bon? Wa fika barakallah, wallahu a'lam. وفي هذا الإبهام تحريض للمؤمنين أن يجتهدوا في التعرض لرضا الله عنهم ليكونوا أهل للعفو عما فرطوا فيه من الأعمال. Alors il dit ici que dans cette généralité de la ayah, لمن يشاء إلا من بعد أن يشاء الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. La shafa'a, elle fonctionne entre autres pour ceux qui auront la satisfaction, le rida d'Allah Azza wa Jal. Il dit que dans cette ayat, il y a un encouragement pour les croyants afin qu'ils fassent de leur mieux pour atteindre la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, pour qu'ils puissent avoir accès au pardon pour leurs imperfections, pour leurs erreurs, pour leurs failles. Donc c'est exactement ce qu'on disait. Regarde ce qu'il te dit ici. تتعرض لرضا الله. Tu fais de ton mieux pour que Allah soit satisfait de toi, pour que Allah t'ouvre la porte du pardon pour tes failles. Allah Ta'ala, qu'il soit satisfait de quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas de péché ou qu'elle n'a pas de faille. Ça, c'est très important à comprendre ici. Encore une fois, c'est toujours avec cette graduation des statuts des croyants qu'on comprend le iman et tout ce qui découle de ça. Comme on l'a dit dans d'autres cours, la grosse erreur de ces sectes-là qui se sont égarés dans la question de la foi, de l'iman et de l'al-kufr, comme soit les wa'idiyya ici d'un côté, ceux qui sont dans la menace, ou les murji'a de l'autre côté, ceux qui sont dans le laisser-aller, ou c'est quoi le mot, rappelez-moi? Le laxisme, barakallahu fik. Les deux sont deux extrêmes, mais ce qui les rassemble, c'est que ces gens-là ne voient que oui ou non, noir ou blanc, un ou zéro, kafir ou mu'min, c'est tout. Tous les mu'min sont les mêmes, tous les kafirs sont les mêmes. Le truc, c'est que non, il y a une graduation. Ça, c'est auprès d'Allah Azza wa Jal. Et puis après ça, auprès de nous. Regardez, tout commence. C'est pour ça qu'on dit toujours, tout commence par les fondements. Si on n'a pas compris les fondements de la religion, ailleurs, ça va se perdre. Une fois que tu comprends les fondements, les ulama, comme il explique Ibn Taymiyyah et d'autres, rahimahullah, qu'est-ce qu'ils disent? Quelle est ta position? Quand on dit al-wala ou al-bara, ce qui nous rappelle, c'est quoi le wala et le bara? L'alliance et le désavou. Ok, c'est quoi l'alliance et le désavou? C'est quoi al-wala ou al-bara? C'est quoi le sens de ça? C'est quoi le sens de... Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Aimer pour Allah, détester pour Allah, excellent. On aime qui pour Allah Azza wa Jal? Les croyants. Et on déteste qui en Allah Azza wa Jal? Les mécréants. Taïb. Maintenant, ce n'est pas juste si bloc que ça. Parce que dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de personnes qui sont parfaitement d'un côté. Surtout du côté ici des mu'minines. Donc, le kufr, on le déteste. Et les kafirines, on les déteste. Lillahi azza wa jalla. Pas pour leur prénom, ni pour leur culture, ni autre chose. On déteste le kafir pour son kufr. S'il devient musulman, on va l'aimer, il va devenir l'un de nos alliés. Nuhibbuhu fillahi azza wa jalla. Mais si on se concentre ici sur le wala, envers les mu'minines, envers les croyants. Ce wala, est-ce qu'on accorde le même wala à tous les croyants? Pourquoi non? Taïb, perception de ce qu'on voit, très bien, oui. Naam. Oui. Il y a des degrés dans l'iman et... Des degrés dans l'iman qui vont s'illustrer par le amal. On ne peut pas savoir l'iman dans le cœur, mais ça va s'illustrer par l'amal, par l'action et par le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le plus que la personne, elle est intègre, propre dans ses actions selon sharia, que la personne, elle suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus qu'elle a droit à notre quoi? Voilà. Que je dois être plus proche de cette personne. Lillahi azza, je dois aimer cette personne plus pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le moins que la personne est comme ça, le moins qu'on doit être engagé dans ce wala, sans lui enlever pour autant le droit au wala. Et de ce fait, le buveur d'alcool, muslim, buveur d'alcool, même peut-être vendeur d'alcool, musulman, fait la salate, en gros, ainsi de suite. Est-ce qu'on lui enlève le droit? Est-ce qu'on va l'exclure complètement? C'est-à-dire, toi, t'es effacé de la communauté. Tu n'as aucun droit, on ne te connaît pas, tu es de l'autre camp. Est-ce qu'on va faire ça? Non. Mais est-ce qu'on aime, en tant que personne, en gros, comme ça, ce buveur d'alcool, comme on aime Abu Bakr Siddiq, c'est pas la même chose. Donc notre alliance ici, notre wala, prend différents degrés. Et le fait, comme on a dit, que quelqu'un ait des failles, que quelqu'un ait des bid'a, autre chose, ça ne lui enlève pas complètement le wala. Nuhibbuhu li ta'atihi, nuhibbuhu li imanihi, wa nubriduhu li ma'siyatihi, ou li bid'atihi. On l'aime pour son iman, pour son islam, on déteste en lui sa bid'a et ses péchés ou autre chose. C'est clair. Mais on ne va pas se dissocier complètement d'un mu'min. Mu'min qui se fait massacrer par les ennemis de l'islam, quelqu'un qui prétend être salafi ou talafi ou je ne sais pas quoi, prétend comprendre sunnah, c'est-à-dire, ça c'est pas mon affaire. Ça, c'est des gens de bid'a, c'est pas mes... C'est dernier de mes soucis. J'ai autre chose à faire dans la vie. Ça, c'est lui qui est mubtadi. Parce que là, il est en train de détruire la structure de l'wala et de al-bara. On lui donne l'wala en tant que musulman contre les kafirines, ce qui ne veut pas dire que c'est carte blanche, que j'aime en toi tout ce que tu fais ou tout ce que tu dis, tout ce... Non. Je peux être avec toi en tant que mu'min et en même temps, je déteste ta bid'a ou ta ma'siya et je me dissocie de ça. Je ne m'associe pas à tes erreurs. Le fait que je dise que il est mon frère, moi je parle en général, okay, je parle pas de quelque chose spécifique. Là, en général dans la vie, le fait que je dis que c'est notre frère en islam, le buveur d'alcool, c'est pas une carte blanche. Je me suis pas associé à ses erreurs. Ces erreurs, c'est pour ça l'homme qui a accepté l'islam, il est venu chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il avait causé du tort à certains kuffars lors de son kuffar, lors de sa jahiliya. Mais maintenant, il a accepté l'islam. Et il y a eu des kafirines qui sont venus pour faire pression sur les musulmans. Cet homme, il est avec vous, maintenant il a accepté l'islam. Et, mais avant, quand il était avec nous, il nous a fait beaucoup de mal. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un compagnon, c'est un sahabi, il est avec lui, il n'a pas rejeté de son camp. Mais il s'est dissocié, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'il a fait dans sa jahiliya, ou de ce qui pourrait rester de quelqu'un de al-jahiliya. Ça, je ne m'associe pas à toi. Est-ce que c'est clair ici? Donc, ici, c'est la même chose. Donc, quand on parle de shafa'a, toi, tu peux être satisfait de quelqu'un parce que c'est un mu'min. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fait, tu es d'accord et que tu justifies ça. Na'am. وَلِلَّهِ تَعَالَى الْمَثَلُ الْمَثَلُ الْأَعْلَامِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا أُمُورٌ كُلُّهَا تُشِيرُ إِلَى عِظَمِ الْأَمْرِ. Donc, comme on a dit, kam min malakin, kam, oh combien, ça c'est les takfir. Il y en a beaucoup, les anges. Numéro 1, numéro 2, malak. Ça ne parle pas de n'importe qui, ça parle de anges, ça parle des anges. Donc, ça c'est grand. Cette ayah parle quelque chose de très très grand. Numéro 3, fis samawat. Dans les cieux, c'est pas sur cette terre. Donc, regardez, dans cette ayah, c'est fort. Ça parle de quoi? Nombre, très très grand. Kam min. Ça parle de qui? Pas des humains ou des arbres. Ça parle des malaïkas. Numéro 3, pas les malaïkas sur cette terre, les malaïkas qui sont dans les cieux. Et numéro 4, ijtima'uhum 'ala al-amri. Une seule shafa'a sur laquelle ils s'accordent tous. Ils sont tous, comme ça, si tous les anges qui sont dans les cieux se rassemblent sur une seule shafa'a, une seule intercession, ça ne va pas être utile si Allah Azza wa Jal, encore une fois, il n'y a pas de satisfaction et il n'y a pas de permission. فَكَيْفَ أَوْثَانُكُمْ. Que dire maintenant de vos pierres, de vos divinités, qui n'ont rien de tout cela. Donc, encore une fois, cette ayah est très importante sur la shafa'a dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il y a des questions sur la shafa'a? Pas de questions? صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.